Les éditions de l'Avenir présentent Le progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 8, colonne 1. Avant le mariage. Avant le mariage. Excusez-moi, Georges. Est-ce que mon parasol vous gêne? Oh non, ma chère. Ce serait un plaisir pour moi s'il me gênait. Après le mariage. Dieu du ciel! Il n'y a jamais eu une femme sous le soleil qui sût porter un parasol sans égratigner des yeux de son voisin. Il n'y a pas d'homme pour marcher comme il faut à côté d'une femme qui a un parasol. Parce que c'est une impossibilité. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.